des cocotiers. Non, des tourelles dans le sable. Ouais. Ma base c'est Ibiza en mieux. T'as du risque, t'as du loup, t'as Raider skill. J'marche en tong, AK sur l'épaule. La plage est chaude, la mort est drôle. Un cargo qui klaxonne, une rafale en retour. Bienvenue sur Rust, été glamour. Les viewers dans le chat me disent dans le jump. J'finis dans la flotte, une cuisse en crampe. Skill qui swing. J'ai décoré mon toit avec des guirlandes de balles. La base est moche, mais je fais des kills magistrales. Y'a des pastèques dans l'inventaire, non? Juste des C4 et du flair. Une soirée feu de camp, ouais. Si t'aimes les flammes et les cris des noobs qui crament dans le drap. C'est l'été sur Rust, les buissons transpirent. J'suis planqué dedans, prêt à faire un empire. On boit, on tue, on rigole bien fort. Quand t'es viewer Raider Skill, t'es jamais mort. Comme des cons. C'est l'été, mais t'oublie pas le Kevlar.